J'ai de la misère à m'ajuster avec des personnes superficielles et peu de profondeur. J'essaie de m'ajuster à eux, mais j'ai l'impression de ne pas me respecter. Comment agir avec cette adversité? Il va falloir avoir plus d'empathie, peut-être. C'est-à-dire que des fois, vous avez l'impression que la personne est superficielle, elle manque de profondeur, mais vous la jugez peut-être un peu, là. Quoique moi-même, je fais pareil, là. Ça m'arrive. Mais de voir la personne, faut voir la personne au-delà de sa superficialité, puis au-delà de son manque de profondeur. Parce que des fois, ça m'est arrivé de considérer des gens comme superficiels, puis c'était moi au fond qui avais une vision superficielle de cette personne-là. C'est multidimensionnel, l'autre aussi. Donc, c'est là que des fois, juste se laisser aller, puis des fois, l'autre n'est pas obligé d'être profond. Donc, oui, c'est à nous de nous ajuster. Donc, souvent, des fois, on va dire, ah ben lui, il ne se rend pas compte de grand-chose. Ouais, mais on est pris dans un espace-temps, là, linéaire. C'est peut-être vrai en ce moment, mais ça sera peut-être pas vrai dans quelques années, puis il y a peut-être au-delà du temps puis de l'espace un lui qui a de l'allure, qui est très profond, qui vous observe. Puis ça peut se manifester à travers son lui de maintenant. Donc, c'est pour ça que des fois je vais être picocheux. J'essaie de voir s'il va se manifester quelque chose, mais il y a des gens que bon, ça marche pas.